justement était assez sérieux et que je crois que l'ayant fait une fois, en le faisant une deuxième fois, je peux mieux essayer d'attraper le point essentiel que j'essaie de vous apporter. Et c'est seulement une fois que j'aurai essayé de reparcourir un peu les choses que je reviendrai sur la question du rêve et de la signification de ce que ce détour comme ça assez compliqué par l'analyse logico-grammaticale du désir et puis la question du perspectivisme amazonien et de ce que j'ai tiré de Viveros de Castro, à ce moment-là je pense qu'on le verra mieux. Alors, si j'essaie de reconstituer les étapes de la séance dernière, enfin les étapes là où j'essaie d'apporter quelque chose, pour rappeler que j'étais parti d'une analyse classique, logico-grammaticale du verbe désirer, comme attitude propositionnelle, en attirant votre attention sur le fait que quand vous lisez la philosophie de l'esprit, en général, les attitudes propositionnelles qui sont étudiées, c'est pas du tout le désir, c'est très rare, c'est la croyance, massivement la croyance, qui est l'objet de toutes sortes de considérations. Et ce que j'avais essayé de mettre en évidence, c'était la nature spécifique de l'intentionnalité du désir. Cette intentionnalité du désir, le fait que le désir a un objet intentionnel, c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'on peut désirer une chose, on peut désirer que quelque chose se produise, hein, ça se construit avec une complétive. La nature de l'objet intentionnel du désir ou de la croyance, croire que, désirer que, espérer que, etc. C'est un problème classique en philosophie, et j'avais attiré votre attention sur les distinctions importantes qui sont à la surface de la langue, hein, qui sont celles dont on est bien obligé de partir pour caractériser l'objet intentionnel du désir. Alors, la première chose que j'avais marqué, vous vous rappelez, c'était que les verbes, le désirer se construit avec le subjonctif. Le croire que se construit avec l'indicatif, désirer que se construit avec le subjonctif, ce qui est un indice du poids qui conserve, bien sûr, le sujet du verbe. Pas le je nécessairement, hein, mais ça se construit avec n'importe quelle personne, mais au subjonctif. Et je vous avais montré que la signification logique de cette marque grammaticale, c'est qu'on était dans une orientation de l'intentionnalité tout à fait spécifique, qui va du désir vers l'objet, hein, du sujet vers le monde, au sens, tout simplement, où ce qui rend un objet désirable, ce ne sont pas des propriétés intrinsèques de cet objet, mais le désir qui se porte vers lui. On ne peut pas isoler les propriétés générales de l'objet désirable en dehors du désir qui se porte vers lui. En revanche, l'objet crédible, ce qu'on croit, a des propriétés intrinsèques, par exemple d'être rationnel, hein, qui fait que c'est parce qu'on se porte vers cet objet intentionnel qui a des propriétés intrinsèques que l'intentionnalité valide les choses, en sorte que ce sont les propriétés objectives de l'objet visé qui font que la croyance est vraie ou fausse. Un test très simple de cette propriété, c'est qu'on ne peut pas croire dans quelque chose dont on sait que c'est faux. Le simple fait de croire enveloppe d'entrée de jeu le fait qu'on ne peut croire qu'à quelque chose dont on croit que c'est vrai. On ne peut pas croire à quelque chose dont on sait que c'est faux. Du moins, c'est le cas normal, même si on peut ensuite utiliser l'idée de croire quelque chose dont on sait que c'est faux pour décrire des situations qui sont classiquement déviantes, comme je sais pas moi, la mauvaise foi ou des choses de ce genre. Bon. Mais je vous rappelle que même pour la mauvaise foi, par exemple, on croit quelque chose dont on sait que c'est faux, la question est de savoir si c'est parce que le mot de mauvaise foi existe que est-ce que c'est parce que le mot de mauvaise foi existe que l'expérience existe ? Bien, est-ce qu'il existe des gens de mauvaise foi ? Pas du tout évident, il peut exister simplement des gens qui font des erreurs ou des menteurs. Mais des gens qui réussissent à croire quelque chose dont ils savent que c'est faux, c'est pas parce que la formule existe, par exemple, chez Sartre, que la chose existe. La question de la mauvaise foi est toujours une chose tout à fait ouverte. Bon. Donc ça, cette orientation vers l'objet est essentielle. Et la troisième chose sur laquelle j'avais attiré votre attention, c'était le problème de savoir comment on rend cohérent, lorsque quelqu'un parle de ses désirs ou de ses croyances, comment on rend cohérent l'ensemble des attitudes propositionnelles d'une personne. Comment on sait ce qu'elle croit, ce qu'elle dit, comment on s'aperçoit, on le mesure, comment elle a envie de ceci ou de cela. J'ai fait cette observation qui, là encore, est très importante et qui est liée au caractère, aux propriétés objectives de l'objet crédible qu'il est, qu'il a des raisons pour qu'on le croit, hein, qui a au fond deux options, qui sont là encore, si vous ouvrez des livres de philosophie de l'esprit aujourd'hui, un objet de débat constant. Il y a l'idée qu'au fond, la première manière de dire, c'est que lorsque nous croyons ce que dit quelqu'un, soit on se met à sa place, on essaie de voir les choses de son point de vue, dans sa perspective, perspective prenant ici un sens de la façon dont il envisage, dont il voit les choses, et si on réussit à se mettre à sa place par empathie, on va voir quelles sont les raisons qu'il a et pourquoi il croit ce qu'il croit. Soit on n'a pas du tout besoin, et c'est en général beaucoup plus de ce côté-là que s'orientent les réflexions contemporaines, de se mettre à sa place. Ce qui assure la cohésion, la cohérence des croyances de quelqu'un, c'est un principe que Donald Davidson a appelé le principe de charité. C'est-à-dire qu'il y a une norme de rationalité qui fait que lorsqu'on ne comprend pas ce que croit quelqu'un, on ajoute des hypothèses supplémentaires pour rationaliser davantage ce qu'il croit. Et que on ne peut donc pas, la chose vous paraît peut-être tout à fait naïve, comme si on ajoutait des raisons de croire qui ne sont pas explicites dans les énoncés de croyance ou les énoncés que de la personne qui vous parle. Mais elles sont absolument constantes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, vous complétez, en fait, vous cherchez des raisons supplémentaires pour résoudre les contradictions ou les absurdités de ce qu'il dit. Le sel de la chose, le point très important de la chose, apparaît dans une difficulté que Davidson a très fortement pointée et qui a même point d'inflexion décisif de sa carrière, c'est qu'on ne peut pas avoir de rapport purement descriptif aux raisons que les gens ont de croire ce qu'ils croient. On ne peut pas. Parce que le simple fait de considérer les raisons des gens comme des raisons implique que nous, de manière absolument normative, nous leur supposons toujours des raisons qui ne sont pas nécessairement celles qu'ils ont vraiment. Ça veut dire qu'il est, et c'est une chose que Davidson a fermement établie, quand on fait de la psychologie, quand on essaie de savoir pourquoi les gens choisissent de faire ceci plutôt que cela, parce que comment ils rationalisent exactement, vous ne pouvez pas décrire les raisons pour lesquelles les gens choisissent de faire ceci plutôt que cela, comme si c'était des événements de la nature dont on pourrait indiquer les lois. C'est intéressant, parce que même s'il y avait une correspondance avec les activations cérébrales, par exemple, ça voudrait justement dire qu'on ne pourrait pas en déduire des lois. Pourquoi ? Parce que le simple fait de caractériser les raisons de quelqu'un implique que par charité, là où une raison fait difficulté, je vais en ajouter une autre pour maintenir le statut de raison de la raison qui m'est donnée dans le discours qu'on me tient. Et donc, ce que disait Davidson, c'est qu'on ne peut pas faire de science de la cognition au sens de la cognition qui décide, qui motive rationnellement des décisions. Ce qui a une importance considérable parce que ça limite la possibilité d'avoir une sorte de science naturelle des erreurs de raisonnement, en particulier en économie. Et ça, parce que, et notamment dans les décisions des agents rationnels, parce que s'ils sont rationnels, précisément parce qu'ils sont rationnels, pour que on puisse penser leur raison, on est obligé de manière normative d'avoir un rapport charitable à leur raison et donc de manière normale, non pas descriptive, mais normative, de tenir compte de ce dispositif de rationalité. Il va de soi que ceci est analytiquement lié au fait qu'une raison de croire une raison de croire est commandée par le caractère crédible, rationnel de ce en quoi on croit. Que dans ce cas-là, le sujet est obligé, ou le sujet est obligé de se rendre à l'ordre rationnel du monde tel qu'il est. Lorsque vous travaillez au contraire sur l'intentionnalité du désir, c'était la chose que j'ai soutenue la dernière fois et qui implique de prendre des tas de décisions en matière de philosophie de l'esprit, etc., même de logique pour arriver à des points qui nous intéressent psychanalytiquement, hein. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'empathie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, précisément parce que le désirable n'a pas de propriété objective sur laquelle on puisse se mettre d'accord en disant « ben voilà, ça c'est désirable, désirons-le », c'est le désir qui constitue, qui crée la désirabilité de la chose, qui rend la chose désirable. Précisément pour cette raison, il ne reste qu'à se mettre à la place de l'autre pour apprécier ce qu'il désire et la nature de son désir. C'est une empathie qui révèle, du coup, lorsqu'on peut se mettre à la place de l'autre, et lorsque nous pouvons nous mettre à la place de l'autre, lorsque le désir, du coup, n'apparaît pas comme absolument incompréhensible de l'ordre de la lubie, etc., mais ça indique quelque chose qui est non pas une propriété objective des objets désirables, mais un espace de co-affectation. Où nous faisons l'expérience que nous pouvons, après tout, nous aussi, être touchés par les choses qui sont désirables pour l'autre, par empathie. Ce qui fait que là, les limites de la projection, c'est des limites qui impliquent une sorte de ressemblance. Il faut qu'il y ait des formes de ressemblance élevées pour permettre se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre à la place d'un autre être humain, vous pouvez vous mettre à la place d'un chien, vous aurez beaucoup de mal à vous mettre à la place d'une huître. C'est-à-dire qu'on peut très très bien dire que je mets que mon chien a faim, hein, mon chien a mal, qu'un oiseau a mal, par exemple, des choses de ce genre, qui a des formes assez indistinctes. Par exemple, l'insecte, on sent bien que l'insecte, il y a des limites comme ça, où il conserve suffisamment de traits pour qu'on puisse... par exemple, lui attribuer un certain nombre d'états mentaux, ou croire que qu'il a des croyances, par exemple, il croit qu'il fait telle chose, etc. Il y a des exemples classiques de description du comportement des insectes qui, jusqu'à un certain point, leur attribuent des croyances. L'abeille croit ceci, veut cela, etc. Et puis, évidemment, le mollusque, là, c'est l'huître étant l'exemple cartésien par excellence de l'animal machine, n'est-ce pas ? Quand Descartes en a assez. On lui explique que les animaux ne sont pas des machines, il montre les huîtres. Les huîtres, hein, c'est pas des machines, les huîtres. Ben les animaux complexes sont des huîtres complexes. C'est un peu de Descartes, hein, ça fait ça, l'huître. Bon, là, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de ce que croit une huître, n'est-ce pas ? C'est très difficile de se dire, n'est-ce pas ? Elle croit que l'eau a atteint un degré de salinité suffisant pour s'ouvrir. On a plutôt tendance à... Voilà. Et bon, alors, dans la création des créatures de science-fiction, c'est tout à fait essentiel. Ça indique les limites de la représentabilité, hein, de l'alien. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, c'est très intéressant. On peut le rendre monstrueux, mais il faut toujours qu'il conserve un certain nombre de traits qui nous permettent de nous mettre à sa place, hein, et qui indique également les limites. Du personnage avec lequel nous avons dans nos rêves et nos cauchemars des rapports dialogiques, hein, dans lesquels on peut parler. C'est-à-dire qu'il y a des déformations possibles de notre schéma corporel, etc., mais il faut qu'on puisse injecter un certain nombre de traits qui permettent ceci. Et au fond, l'anthropologie la plus concrète, c'est celle qui nous permettrait, comme ça, d'avoir accès par variation à ce sol dans lequel, avec les autres êtres humains, nous sommes co-affectés, mais aussi avec les animaux, ce qui aura son importance quand je parle de perspectivisme amazonien tout à l'heure, hein, de Vieiros de Castro, de voir dans quelle mesure les animaux sont avec nous, pris dans ce dispositif de co-affectation où nous attribuons des croyances. Et alors là, une fois que j'ai eu posé, rappelez-vous, cette contrainte de l'empathie, de la possibilité de se mettre à la place de l'autre, et de ces conditions qui ne sont pas objectives, mais affectives, fondamentalement affectives, les dispositions du corps, la ressemblance, J'avais attiré l'attention sur le fait que là, on ne peut plus se contenter de faire de la logique de la décision ou de l'analyse de la théorie psychologique de la croyance, comme on fait en économie, en psychologie économique, etc. On était obligé de tenir compte justement de la qualité affective partagée, de l'affect qui est pensé, vous voyez, pas du tout comme ce qui singularise un individu, mais au contraire, ce qui crée réellement les possibilités dans un groupe social de se mettre les uns à la place des autres et de se dire, ah ben un tel, voilà, bah, c'est clair, un tel, il a envie de coucher avec une telle, machin a faim, cet enfant a soif, etc. Par exemple, ce sont des choses qui nous permettent comme ça de comprendre, d'être co-affectés par les autres. Hein. C'est pas l'affect qui nous isole, c'est justement un affect qui, au contraire, est ce qu'il y a de plus commun. Bon, qui est la façon dont nos corps se continuent les uns dans les autres, on pourrait dire, au sein de notre espèce. J'avais essayé d'opérer un très violent décentrement anthropologique pour vous montrer à quel point la Traumdeutung, toute la théorie classique freudienne du rêve, certainement jusqu'à Mélanie Klein, mais Mélanie Klein et les Jungiens présentent justement une exception intéressante, est très clairement une théorie du rêve dans laquelle on est dans un monde de la psychologie des individus. C'est-à-dire le sujet est au point de départ, le statut cognitif des images du rêve est très important, le statut des pensées du rêve, hein, ce sont vraiment, on est dans un registre, lorsque Freud cherche à élucider ce que désire un rêveur, très souvent les énoncés dans lesquels il le formule sont des énoncés qui font fortement appel à ce qu'il croit. Les pensées du rêve sont des pensées normales, par exemple. Mais le travail du désir du rêve déforme les pensées normales, mais les pensées normales constituent une sorte d'enclave cognitive à l'intérieur du dispositif du rêve. Et bien sûr, c'est un monde où la cognition règne en maître, dans lequel, au fond, lorsque Freud essaie de comprendre ce que c'est que les désirs de quelqu'un, il a tendance à essayer de rendre compatible entre elles, sur le mode d'un principe de charité qui ne dit pas son nom, les différentes positions, attitudes subjectives, attitudes propositionnelles du sujet. Ce qui implique que le rêve trahit les désirs du sujet. Et il trahit les désirs du sujet sous la forme que j'avais expliquée dans mon bouquin sur la Traumdeutung, dans mon commentaire de la Traumdeutung, il y a 20 ans de ça, hein, en créant cette formule, cette attitude propositionnelle complexe, enchâssée, le rêve trahit ce qu'un sujet désire croire. C'est le désir et croire qui est le cœur de ce que révèle un... C'est très important le désir, mais c'est très important la croyance, puisqu'aussi, justement, ça explique la dimension d'adhésion subjective à l'expérience hallucinatoire du rêve. On s'y croit dans le rêve. C'est très, très important de garder cette dimension cognitive. On s'y croit, même si ce qu'on croit, qu'on fait, ou qu'on est, ou qu'on dit, ou qu'on nous dit dans le rêve, est commandé par du désir. Une des conséquences du fait que le rêve trahit ce que le sujet désire croire, c'est que le désir, lui, est fortement orienté en direction de la singularisation de ce sujet. C'est ce qu'il croit en soi, d'autres peuvent le croire. Mais comment il désire croire ça, c'est ça qui le singularise dans le processus du rêve. Et donc, on voit bien pourquoi la notion de traume est très souvent substituable à celle de fantaisie, hein, de fantasme dans le rêve, dans la Traumdeutung à cette époque, parce que la dimension de fantasme vient capter le rapport exceptionnel, intrinsèquement et singulièrement subjectif à l'objet qui est commandé par le désir. C'est ça qui est attrapé par la notion de fantasme. C'est pas, c'est une tentative d'aller plus loin que ce que le sujet désire croire, mais en resserrant la prise sur le rapport singulier du sujet, du désir du sujet, qui fait qu'il va désirer croire ça. C'est son fantasme qui le commande, en dernière analyse. Ce qui est essentiel pour mon propos sur le rêve, c'est qu'il faut bien comprendre que de l'intérieur de cette anthropologie du rêve, cette anthropologie individualiste du sujet rêveur isolé dans son monde, le rêve étant un monde solipsiste, et à l'intérieur du rêve, le fantasme étant ce qu'il y a le plus difficile, ce qui est le plus difficile à déchiffrer, d'avoir accès, qui est l'intime du sujet, de l'intérieur de cette anthropologie individualiste du rêve, on ne peut plus penser l'autre grande version du rêve que comme une illusion, une erreur, voire un délire. L'autre grande version du rêve, c'est l'idée que le rêve ouvre réellement sur un monde qui est autre, sur un autre monde. Puisque nous n'avons qu'une nature. Nous n'avons qu'une nature, même si nous avons plusieurs cultures, nous avons une nature. L'idée absolument centrale du perspectivisme amazonien, selon lequel il y a une seule culture, parce que en fait, les hommes sont les ancêtres des animaux, mais une multiplicité de natures conduit directement à l'idée selon laquelle le rêve, et notamment le rêve du chaman, mais pas seulement le rêve du chaman, donne accès à un monde autre. Alors, il y en a des traces dans notre culture. Il y a chez Virgile la fameuse distinction entre le rêve qui rentre par la porte de corne et le rêve qui rentre par la porte d'or, n'est-ce pas ? Le rêve inspiré par les dieux, où vraiment les dieux, l'autre vient visiter le rêveur, et où ce n'est pas une simple modification physiologique de l'imagination, comme très tôt d'ailleurs, chez Hippocrate, chez Aristote, les gens conçoivent le rêve comme ça, mais il y a des rêves, ça. Et le caractère particulier du rêve, qui est authentiquement un rêve, ça, c'est que lorsque le dieu visite le rêveur, lorsque le rêveur se réveille, il trouve un objet, dans la pièce où il a dormi, etc., qui est, auquel il a rêvé dans le rêve, et que le dieu lui a laissé. Ça, c'est une des marques assez particulières. Mais nous est extraordinairement difficile de surmonter l'histoire, de nous décentrer anthropologiquement pour ne pas trouver complètement délirante l'idée que le rêve ait accès à un monde autre. C'est-à-dire que dans une culture comme la nôtre, quelqu'un qui pense que son rêve lui donne un accès à un monde autre, c'est essentiellement une folie. C'est la marque de son incapacité à maintenir sa position de sujet de son rêve. Or justement, le perspectivisme, le grand décentrement anthropologique génial que Viveiros de Castro tire donc du perspectivisme amazonien, est un moyen tout autre de voir les choses. Mais il nous montre le coût extraordinaire qu'il y a à pénétrer dans un univers où le rêve serait accès à un monde autre. Non pas trahir ce qui est à l'intérieur du sujet, qui est peut-être même l'autre, avec un grand autre à l'intérieur du sujet, mais vraiment accéder à un monde autre. Le coup, il est dans la formule elle-même. C'est tout un monde humain qu'il faut reconfigurer. C'est tout un monde, c'est tout un ordre social, c'est toute une économie des facultés, c'est tout un rapport particulier de l'esprit, du corps, des animaux, du vivant, de l'inerte, de tout ce que vous voulez, qui est à reconfigurer en même temps. Et c'est ça qui rend le décentrement si difficile. Et le monde que décrit avec le cannibalisme tupi-guarani Viveiros de Castro, c'est un monde qui, justement, est bâti du point de vue de l'autre. From the enemy's point of view. Il se trouve que l'autre est un ennemi, je dirais pourquoi, c'est pour répondre à une question qui est la question du mal. Mais c'est un monde qui est entièrement construit du point de vue. Il est systématiquement construit du point de vue de l'autre. C'est-à-dire qu'il ressemble extraordinairement à un délire paranoïaque dans lequel nous sommes constamment tenus à une sorte de vigilance par rapport à Nous sommes constamment des proies potentielles pour ceux qui nous traquent. Et ce monde-là n'est pas un monde de la science, de la croyance dans l'objet rationnel, etc. C'est un monde de la pulsion en tant qu'affect. De l'affect, et la pulsion n'est pas un affect, mais c'est un monde de pulsion et d'affect dans lequel ce qui compte, c'est justement la faim, la haine, la soif, le désir sexuel, l'amour, etc. Alors, entrer dans les conséquences avec Viveros de Castros, qui était ce que je vous proposais, c'est une lecture qui est très différente de celle que je vous proposais, et à ma connaissance, jamais personne ne l'a tentée, de celle qui est un peu officielle en guillemets en France, n'est-ce pas, qui est le Viveros de Castro, post-structuraliste, latourien, réfutant la cosmologie occidentale, etc. Je crois qu'il y a une grande illusion à croire que nous n'avons pas accès à ce dont Viveros de Castro parle chez les Amazoniens et chez les Tupi Guarani, et c'est un peu ce sur quoi je voudrais vraiment marquer le coup aujourd'hui en vous parlant justement de la psychanalyse, du rêve, et notamment de sa version kleinienne et bionienne. Qu'est-ce que ça veut dire la perspective du perspectivisme? Ce n'est pas une perspective au sens du regard, hein. C'est une perspective au sens de l'intention, n'est-ce pas? C'est la perspective du regard au sens de l'inuidia, hein, de l'envie, hein, pas celle des perspectives qui permettent de reconstituer une belle image synoptique, mais celle de la fente dans le regard du jaguar, au moment où il va se jeter sur sa proie. Hein. C'est de ce point de vue-là, hein, qui est un point de vue d'inuidia, d'envie, que les choses sont appréhendées. Et dans cet univers perspectiviste, tout être, quel qu'il soit, figure dans le champ de visée pulsionnelle de l'autre. Le cannibalisme, le grand mystère des cannibales, hein, qui commence avec Montaigne, hein, qui reste comme ça une énigme, etc. Le cannibalisme amazonien ne se comprend qu'à l'intérieur de toute une sorte de cosmologie hiérarchique ordonnée par l'intentionnalité prédatrice. Ce que le jaguar dévore, le sang pour le jaguar, c'est la bière de manioc pour les hommes. Au village des jaguars, lorsque les jaguars saignent un pécari et se avalent son sang, ce sont les hommes qui boivent de la bière de manioc. Au fond, lorsque, l'autre exemple que j'ai donné la dernière fois, lorsque le tapir voit une mare de boue, il ne voit pas une mare de boue, il voit un temple d'initiation cérémonielle. C'est-à-dire que du point de vue de ce qu'il affecte à partir des dispositions infiniment diverses de son corps, les animaux sont comme les hommes. Ils ont des temples cérémoniels, ils ont de la bière de manioc, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle, dans les cosmologies américaines de cette région du monde, c'est pas comme chez nous, l'homme qui descend des ailes du singe, chez les animaux, c'est l'inverse. Hein. Ce sont les animaux qui descendent de l'homme, puisqu'au fond, ils ont leur village. Et dans leur village, tous les rapports que vous avez lu dans Lévi-Strauss, dans les mythologies de Lévi-Strauss, quand il parle du cru, du cuit, du lassant, tous ces rapports-là sont des rapports qui conditionnent l'économie générale des affects. Hein, et qui sont mes vrais congénères? Mes vrais congénères, ce sont ceux qui ont les mêmes proies que moi. C'est ça qui est le point essentiel, c'est de penser, vous voyez, le point d'empathie se fait précisément par le fait d'être affecté par un certain type de désir. C'est parce que j'aime la bière de manioc que je bois de la bière de manioc et pas du sang que je fais partie de ces hommes. Alors, la deuxième chose, et c'est là le point où j'avais vraiment essayer de marquer ma différence la plus nette par rapport à cette tentative de, vous voyez, de fabriquer un double symétrique et inverse des représentations occidentales qui opposent une nature et plusieurs cultures, et en insistant beaucoup, comme Latour le fait, n'est-ce pas, sur le fait que là, chez ces Indiens-là, il y a plusieurs natures, mais en fait une seule nature, un seul village, hein, des hommes avec des rapports de proportion qui se déclinent dans les différentes espèces animales, j'avais insisté sur le fait qu'il y a là une réponse au problème du mal. La réponse au problème, qui est la question qui m'intéressait beaucoup, je vous ai parlé beaucoup des lébous, des cerères, des cultures de la persécution l'an dernier, et de la différence entre culture de la persécution et culture de la culpabilité. Vous en avez ici une complètement invraisemblable, c'est la culture de la persécution non pas en tant que subie, mais en tant qu'infligée. Un peu comme si la solution au problème du mal et de la mort qu'avaient trouvé les toupies Guarani et leurs ancêtres Tupinamba, ce que décrit Montaigne, hein, c'est que contre la mort, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que c'est toute une cosmologie qui est entièrement faite en sorte que les pulsions de mort, parce que je continue à parler ce vocabulaire psychanalytique, je le maintiens, que les pulsions et les pulsions de mort peuvent être prises dans une autre économie, traversées par une autre économie signifiante, qui leur offre une réponse. Et cette réponse, c'est celle qui a produit progressivement, malheureusement, l'extinction des Tupinambas, en dehors des maladies. C'est que ce sont des gens qui passent leur vie, qui passaient leur vie, à se faire, se faire la guerre, et à se bouffer, hein, se manger. Et c'est extrêmement intéressant, c'est que ce qui stupéfie évidemment les observateurs occidentaux, et très tôt, hein, dès le XVIIe siècle, dès les grandes missions de jésuites là-bas, c'est que quand on a capturé quelqu'un qu'on va manger, jamais la personne n'irait se sauver. Il n'y a pas de meilleure mort, il n'y a pas de plus belle mort que d'être dévoré. Et toute la cosmologie, et donc, on les mange pas tout de suite. D'ailleurs, on leur donne une épouse, etc. Et on les bouffe, parfois, des années après. Les prisonniers sont extrêmement contents et fiers, et qui se servent de toutes ces années, etc., pour se rendre insupportables, pour se moquer des gens qui les ont attrapés, pour leur dire « Oui, tu vas me manger, mais moi, j'ai mangé ton oncle, ta nièce, ton frère, ton cousin, etc. etc. » Et c'est extrêmement ritualisé. Une chose très importante, c'est que celui qui a capturé le guerrier qui va être mangé est le seul à ne pas en manger. Il est lui-même entouré de toutes sortes de tabous cérémoniels, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut exciter la guerre et la vengeance. Exciter la vengeance, hein, c'est de manière à maintenir ce cercle de dévoration et de cannibalisme réciproque. C'est tout simplement lié au fait que, ultimement, ceux qui dévorent les autres, ce sont les dieux. Ils nous cuisent dans leur marmite, ils nous assimilent à leur propre chair, les dieux de l'au-delà, et ils font de nous des dieux. La seule chose dont ont peur les Toupies Guarani, comme les Gaulois d'Astérix, c'est qu'après avoir mangé tant d'hommes que ça, le ciel plein de dieux ne soit trop lourd et un jour ne se déverse sur eux et ne leur tombe sur la tête. C'est ce que craignent, semble-t-il. C'est la seule chose qui inquiète un peu les Toupies Guarani. Mais à part ça, l'idée d'être assimilé par l'autre, dévoré par l'autre, passant par le rituel cannibale tel qu'il est, il est construit, devenir la substance de l'autre divin en étant cuit dans la marmite des dieux, vous délivre de ce corps qui sinon est un corps voué à la pourriture, c'est-à-dire à tomber en dessous du niveau de l'humanité. Et l'humanité, insiste beaucoup Viveiros et Castro, se trouve ainsi tendue ontologiquement entre son devenir comme assimilé par la substance de l'autre des dieux et sa menace de décomposition qui en fait finalement une chair pourrissante et puante qui la fait tomber en dessous du niveau de l'humain. Avec des conséquences considérables, hein, que je vous avais évoquées, c'est que les sociétés Tupi-Guarani sont des sociétés qui n'ont pas du tout besoin de se servir du système symbolique comme nous croyons qu'on se sert du système symbolique. Pas du tout pour transmettre de génération en génération. L'horizon de mémoire de ces cultures semble être limité, même en incluant toutes sortes de facteurs comme la déculturation, la fréquentation des blancs, etc., à trois générations au maximum. Ce sont des manières d'être humain qui n'implique pas du tout la transmission de génération en génération. Puisque vivre, c'est en fait être dans le processus de mourir qui va me faire assimiler, dans le meilleur des cas, la substance de l'autre divin. Et donc, cette intentionnalité prédatrice, qui est une cascade de prédation, hein, du jaguar mangeant le tapir, mangeant, etc., bon, où apparaissent des figures étonnantes, la mère de la variole, par exemple, hein, qui est, vous voyez, qui quand même, c'est un système souple qui est capable d'intégrer des événements catastrophiques qui viennent de la colonisation, etc. Tout ce système de prédation construit quelque chose dont il est très difficile de parler comme d'un cosmos, puisqu'il ne se constitue pas comme une belle bulle ronde, représentable, un être avec ses rapports analogiques distribués selon les symboles, etc. C'est la grande opposition, si vous voulez, entre les Tupi-Guarani et les gays, ou les gays qui vivent en Amazonie aussi, les autres, et qui sont, au contraire, ceux qui vont être le plus dans un cosmos avec d'énormes subtilités de distinction, de clans, de moitié, etc. Et avec une structure sociale extraordinairement raffinée. Les groupes Tupi-Guarani ont très peu, finalement, d'institutions sociales, extrêmement peu d'institutions sociales. Seules les institutions sociales qui permettent la transmission du système de la vengeance, de la guerre, etc. Je crois que c'est très important, parce que lorsque vous lisez, vous pensez à Lévi-Strauss et à Lacan et à l'interprétation canonique de ce qu'on raconte du symbolisme lévi-straussien, et du signifiant, etc. Et en fait, Lévi-Strauss le savait très bien, hein, lui, il ne fait pas du tout cette erreur-là, parce qu'il connaît les usages. Ces rapports analogiques, n'est-ce pas, la pierre de manioc, le sang, le jaguar, l'homme, le tapir, qui construisent toutes les économies de transformation, des mythes, dans le cruel cuit, du miel aux cendres, etc., etc., qui sont si fascinants, ne constituent justement pas un cosmos. Ils ne sont pas là du tout pour constituer un cosmos, un être à mettre en ordre, un ordre social qui s'en inspire. Une possibilité est de s'en servir pour construire, je ne sais pas, des moitiés totémiques, le tatou et le, je ne sais pas quoi, moi, le jaguar, ou tout ce que vous voudrez. C'est une possibilité, mais ce n'est pas du tout la seule que ce jeu des transformations mythiques et des permutations signifiantes autorise. Il autorise aussi une organisation entièrement différente où c'est l'intentionnalité prédatrice, l'intentionnalité du désir, de la pulsion ou de la pulsion de mort qui se trouve pris dans ce dispositif-là. Au fond, même, c'est là l'idée que retient si fortement Viveiros de Castro, c'est et c'est un mot que vous retrouvez également chez Bion pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, c'est que quand on est dans un dispositif de ce genre, il n'y a pas de being, il n'y a que du becoming. Il n'y a que du devenir, d'être assimilé par l'autre. Le même sera assimilé par l'autre. Il sera altéré, il sera mangé, il sera cannibalisé ultimement par les dieux. Et il deviendra de l'autre. Et le vivre, c'est ce devenir pris par l'autre, mangé par l'autre, assimilé à sa substance. Dans un univers de ce type, le rêve peut authentiquement, sans qu'on délire du tout, le rêve normal, c'est le rêve qui donne accès à ce monde autre qui est en fait l'autre perspective de l'autre espèce sur la nôtre. C'est le chaman qui rêve et qui voit des hommes dans les pécaris ou des jaguars dans les hommes. Et qui les voit et qui, justement, pour cette raison, tout le monde se moque du chaman, hein, c'est un mauvais chasseur, parce qu'il ne sait jamais très bien à qui il a affaire, lui. Celui qui peut voyager entre ses perspectives animales et désirantes et pulsionnelles qui se croisent et qui, en même temps, sont des perspectives les unes sur les autres, car le jaguar aussi a son chaman. Le rêve du chaman jaguar lui fait voir les pécaris comme des tatous et les tatous comme des pécaris, etc. C'est ça qui est un perspectivisme infini dans lequel les choses se produisent. Alors il a un accès au monde autre qui est tout simplement le fait qu'il n'est pas dans un rapport où le rêve est une illusion. Il est dans un rapport où le rêve est la révélation de l'intentionnalité prédatrice au travail, des hiérarchies qu'elle constitue à l'intérieur des systèmes de transformation mythique et des rapports qui existent entre le sang, la bière de manioc, le jaguar, le chasseur, le tapir, la boue, le temple cérémoniel, l'initié, etc., etc. Et donc, il ne fait qu'aller affectivement dans son expérience onirique à la rencontre de ce point de vue empathique où il se met à la place de l'autre et où non seulement il voit sa perspective sur moi de mon point de vue, mais il voit aussi ma perspective du point de vue de l'autre. Comme lorsque le chaman est capable non seulement de voir comment de voir dans l'homme un jaguar, mais de voir dans le jaguar, le chaman jaguar qui voit l'homme, qui voit le chaman. Ce sont des systèmes de réciprocité. À partir du moment où il y a ce perspectivisme-là, ce qui le rend vertigineux, c'est que qui voit à travers qui? Qui désire à travers qui? Et c'est là une empathie qui va bien au-delà de la simple capacité de se mettre à la place de celui qui me ressemble tout en restant moi-même. C'est déjà quelque chose qui me met à la place de l'autre. Et tout ceci assure beaucoup moins une cohésion du monde. L'idée d'une cohésion du monde n'est pas du tout inscrite. L'idée que l'être est l'être, n'est-ce pas ? Qu'on peut faire reposer le monde sur d'ultimes métaphores, de grandes mythologies n'existe pas. Tout est dans un déséquilibre, un rapport à l'autre, une altération qui fait que le monde est voué à quelque chose comme une fin ou un devenir, en tout cas, qui va l'altérer dans ce qu'il a toujours été. Dans un espace de ce genre, le rêve, ce qu'on désire croire, ça n'est plus de l'ordre, vous voyez, de l'hallucination ou de la fiction. C'est devenu la raison d'être de l'univers en tant qu'univers humain, en tant qu'il n'y a jamais eu que des hommes. Et que les jaguars ont un village, et qu'aux yeux du jaguar, il faut essayer de se représenter les choses de cette façon-là. Nous voyons un jaguar, mais le jaguar, il voit un pécari quand il nous voit. Et lui, il vient de son village, il a été voir son chaman, il a sa lance, et nous voyons un jaguar, nous voyons ses dents, nous voyons qu'il habite tel coin de la forêt. Vous voyez, c'est ça qui est tout à fait sidérant, c'est que le chaman est capable de voir comment le jaguar se voit comme un chasseur qui a consulté le chaman avant de partir à la chasse, etc. C'est ça qui est absolument sidérant. Et j'avais même cité, vous vous rappelez, excusez-moi, je fais beaucoup de redites, mais je crois que j'arrive mieux à expliquer les choses cette fois que la dernière fois, des histoires médico-légales, quoi. C'est-à-dire que lorsque un type en tue d'autres, le problème, c'est qu'il faut consulter le chef pour savoir s'il a tué des gens, ou bien s'il a vu que c'était des jaguars. Hein, ou s'il a pensé que l'autre le traitait comme un pécari. Hein. Ce sont des choses qui peuvent tout à fait se discuter. Et alors, la régulation de cet univers-là est aussi, j'insiste bien, une régulation par les combinaisons signifiantes des rapports et des transformations du cru, du cuit, de la miel, du miel, des cendres, du jaguar, du pécari, etc. Il est aussi bien régulé. On ne quitte pas du tout un espace du signifiant, si vous voulez, sauf qu'on le fait jouer. On lui fait jouer une toute autre économie que celle de notre ontologie habituelle. Alors, ce qui est très important ici, c'est le poids du mythe. Et j'opposerai ici fortement le mythe à l'économie du fantasme. Le poids du mythe, c'est que ce sont ces mythes qui structurent les hiérarchies de l'intentionnalité prédatrice, qui disent comment et pourquoi le guerrier cannibale, non pas devient un jaguar, mais est pris dans un devenir jaguar au moment où il va à la guerre. Il est pris dans un... Il ne devient pas un autre être. C'est tout est en quelque sorte encadré, la vie pulsionnelle est saisie dans ces transformations-là, métonymiques et métaphoriques, si vous voulez, mais qui sont essentiellement ouvertes et qui la, justice, à un devenir jaguar, comme ça. C'est tout à fait différent de l'économie du fantasme qui maintient le désir comme quelque chose, comme la part toujours ultimement privée, même privative de l'individu. C'est tout à fait autre chose d'attraper les signifiants dans lesquels circule un fantasme, une activité fantasmatique, qui viennent cerner l'exception d'un sujet. Alors, la question redoutable, c'est la question de savoir si la science freudienne des rêves resterait essentiellement une science individualiste, une expérience du rêve qui ne fait que manifester une psychologie de l'individu dans lequel ses croyances sont perturbées par ses désirs et que, par exemple, si les désirs perturbent trop les croyances, alors on franchit une limite qui fait que on peut à bon droit dire qu'il ne rêve plus, qu'il hallucine, qu'il délire, etc., etc. Je crois que mon grand ennemi dans ce séminaire, qui est le freudo-lacanisme universitaire, est construit fondamentalement autour de la question qu'il y a une sorte de psychologie lacanienne. Une sorte de psychologie, c'est-à-dire que le sujet, grosso modo, ça va rester l'individu. Et que c'est pris dans des pratiques sociales, des représentations, des manières de s'adresser aux gens, de penser ce qui se passe dans leur tête, de traiter leurs symptômes, de l'articuler à la médecine, etc., qui fondamentalement font qu'on peut faire des généralités psychologiques en traitant finalement l'effet du signifiant sur cet individu, sur ce psychisme individuel. Ça n'est pas un tort, pas un tort. C'est pas non plus quelque chose qui risque de mettre, je ne dénonce pas une illusion, quelque chose qui risquerait, qui explique pourquoi tel ou tel truc est inefficace ou non pertinent. Ça a été et c'est la condition de manifestation dans notre univers social et culturel de la problématique du rêve. Nous ne pouvons pas partir d'un autre endroit que cela. C'est-à-dire que le point de départ d'une psychologie du rêve et chez Freud, ce n'est pas une illusion dont nous allons comme ça, par une sorte de grand saut périlleux arrière, réussir à nous guérir pour retomber sur ce qu'est vraiment le rêve. L'enracinement concret de la pratique du rêve chez Freud, il est là, il est dans cet espace-là. Et c'est précisément pour cette raison-là qu'on peut, du coup, s'apercevoir que ce qui a été mis au jour par cette activité-là, par cette psychologie du rêve, dans une société individualiste, libérale, où chacun, bien sûr, il y a des croyances, il y a des choses qu'il ne faut pas croire, etc., peut également nous permettre, par un déplacement, de voir quelque chose qui est plus que ce que cette psychologie du rêve faisait. Et pas du tout, vous voyez, par une sorte de dépassement théorique, par un décentrement rendu possible d'un point de vue anthropologique par du point d'entrée dans la question du rêve. Alors, les développements capitaux, et là j'essaie d'avancer dans mon propos, les développements capitaux, ce pourquoi je les considère comme capitaux après Ferenczi de la psychanalyse, sont justement des développements qui ont mis fortement l'accent, et de plus en plus fortement l'accent, sur la projection. Projection, introjection, projectivité, etc. Et bien sûr, l'inquiétante proximité de l'expérience transférentielle et de ses potentialités paranoïaques. Le transfert, ça peut rendre les gens paranoïaques. Ça peut déclencher de la psychose, etc. Et pas seulement, comme on raconte, chez le patient. Et donc, tous les travaux sur la projectivité sont des travaux qui, d'une certaine manière, s'efforcent progressivement de desserrer cet étau scientiste et positiviste, individualiste et psychologisant sur le rêve. Ce n'est pas, du coup, la projectivité ou la notion de projection, quand vous en suivez le développement dans l'histoire de la psychanalyse, même si la notion de projection est très présente dès le départ pour penser la paranoïa, elle est en général, jusqu'à Ferenczi, au fond, je pense, conçue comme ce qui suit régressivement d'un échec du refoulement. Voilà. La théorie de la psychose, la théorie standard de la psychose, on regarde 14 chez Freud, et chez ses élèves, c'est qu'il y a un refoulement qui est le mécanisme qui, dont on part et qui devrait être, qui devrait exister, qui échoue. Et que comme il échoue, il y a projection. Il y a d'abord refoulement, échec du refoulement, projection. C'est ce qui leur permet de penser l'affinité entre, par exemple, la névrose obsessionnelle et la mélancolie. La névrose obsessionnelle, c'est tant que ça tient suffisamment sur le mode du refoulement, ça tient, puis à un moment, ça ne tient pas du tout, la mélancolie, et puis la manie se déclenche. C'est très lentement que la projectivité va devenir une dimension de plein droit, non pas quelque chose d'archaïque, de primitif, de régressif, d'élémentaire, etc., mais quelque chose qui joue un rôle fondamental dans la constitution du sujet. C'est chez Mélanie Klein qu'on le voit évidemment le plus clairement, et chez Bion avec la notion d'identification collective, non pas comme un mécanisme de défense archaïque, mais comme la condition même de la psychanalyse. Parce qu'elle part des enfants, parce qu'elle part du nourrisson, parce qu'elle réconstitue de manière positive et non pas régressive et par dégradation, mais positive et par constitution les différentes étapes et strates du psychisme. Ça, c'est le premier élément. Puis la deuxième chose, c'est la confrontation explicite des analystes avec la question de l'ambiance paranoïaque du transfert. De la nature extrêmement particulière. Le trait pathognomonique de la paranoïa étant que le patient ne vous parle pas, et quand vous lui posez des questions, il s'énerve parce que vous savez. Vous savez bien, ça suffit comme ça. Tout le monde sait ce que je pense, ce que je désire. C'est immédiatement dit. Et donc, c'est justement l'impossibilité absolue de supposer que l'autre sait. C'est ça, la rencontre. L'autre, il le sait tellement que c'est même... c'est quelque chose où quand on vient chatouiller un petit peu trop quelqu'un, il peut se montrer agressif, hein, si on le... Puisque, évidemment, l'autre sait, tout le monde sait. Alors, comment ce travail a-t-il été fait ? Alors, il y en a une formule que vous connaissez tous, bien sûr, c'est la notion de paranoïa dirigée chez Lacan. Qui est très simple, hein, c'est que il n'y a pas d'analyse qui ne puisse opérer sans que le sujet ne soit amené à se poser la question « qu'est-ce que me veut l'autre ?» C'est dans le graphe de Lacan, le « qu'est-ce que veux-tu ?» qui est l'énonciation perplexifiante, hein, « que me veut l'autre ?» qui ordonne à ce signifiant le développement de l'âme. Qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il demande, etc. Et que donc, une paranoïa dirigée, ça consiste à faire osciller les figures sédimentées du moi qui sont prises dans le symptôme en agitant doucement cette substance avec précaution, hein, c'est comme dans une fiole, on dirait presque quelquefois, avec la question de ce que l'autre évidemment, la question très inquiétante, c'est le moment de ce que veut l'analyste. Bon. C'est donc la question essentielle qui se pose de la perversion ou de la folie de l'analyste, de savoir s'il peut supporter ce qu'on est en train de lui dire, s'il ne faut pas le protéger, etc. Ensemble de questions essentielles qui font pivoter une cure, qui sont le point de pivot d'une cure, quand on réussit enfin à les formuler, et qui ne sont possibles qu'à la condition de la paranoïa dirigée, c'est-à-dire que le praticien ou la praticienne fasse bien entendre cet horizon du que voit, hein, du que veut l'autre, qui ne laisse jamais le patient quitte de ceci. Y compris, bien sûr, dans la profondeur de son silence, par exemple. C'est une des modalités. Le silence doit être un silence qui interroge, et non pas un silence qui ensevelit ou intègre. Et l'autre version, c'est la version kleinienne. Alors, la version kleinienne, c'est ces trucs qui, évidemment, médusent les analystes français. Hein. c'est que tout ce que dit le patient est systématiquement reçu sur un mode paranoïaque par l'analyste, qui s'inclut. Il y a rien que le patient qui ne me dise, qui ne me vise et qui ne m'inclut, et dont je ne lui communique hic et nunc les faits. Alors, ce qui finalement réduit, faites bien attention à la chose, c'est un des traits techniques qu'on voit bien et qui pose des problèmes aux gens qui ont absorbé ce type de technique qui était au départ kleinienne et qui s'est tout à fait généralisé. Ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment d'association libre sur un divan de ce genre. Il n'y a que des projections. C'est-à-dire qu'au fond, ce que les gens disent n'est qu'une occasion de projection. L'économie interne même du signifiant dans le propos du patient est peut-être complètement... On devient sourd parce qu'au fond, la projectivité transférentielle tient... Alors, il y a les kleiniens, les vrais, les gonflés, ceux qui répondent automatiquement... pas automatiquement, mais ceux qui répondent en interprétant vraiment le transfert. Et puis il y a ceux, les timides, n'interprète pas à chaque fois, mais se situe toujours dans la perspective du transfert contre transfert. Je caricature à peine, parce que c'est vraiment quelque chose que vous voyez dans la littérature professionnelle anglo-saxonne, dans les débats qu'il y a dans l'IPA, etc. Alors, là, on voit bien comment la question de la projectivité c'est ce qui fait le caractère complètement radical et presque insupportable du kleinisme, et ce qui en fait presque une sorte de micro-secte, d'ailleurs, des kleiniens proto-kleiniens, parce qu'on ne peut pas s'improviser comme ça, kleinien. On a vraiment le sentiment qu'il faut une tournure, une construction mentale, un mode de rapport à l'analyse, un rapport à ce que c'est qu'une analyse tout à fait singulier pour faire ce genre de choses. Le passage à Bion et au rêve se situe dans le prolongement de cette réhabilitation de la projectivité et de la question de l'interprétation, de l'attitude paranoïaque du psychanalyste kleinien. Parce qu'au fond, Bion, c'est celui qui, à mon avis, a le plus vu l'immensité du changement de paradigme, à la fois épistémologique et anthropologique, qui était enveloppé dans la technique kleinienne. Il a très bien vu, en particulier, que, au fond, si je réagis à la projection de l'autre, si je crédite ce que l'autre projette en moi de m'avoir atteint intérieurement, on est complètement sorti de l'idée qu'il y a deux individus séparés, bien chacun enfermé dans leur corps, dont l'un se trahit et dont l'autre déchiffre. On n'est pas du tout... On est sorti également, on est allé bien plus loin que ce que la projectivité paranoïaque telle que la retient Lacan, qui est une projectivité en miroir. C'est-à-dire qu'on fait basculer un miroir on déplace le miroir, ce que fait l'analyste dans les représentations que Lacan donnait du processus du transfert et de la cure dans les années 50, et qui fait bouger le miroir sur lequel le patient le projette. Non, cette fois, ce qui est projeté non pas sur l'analyste, est projeté dans l'analyste. Si c'est projeté dans l'analyste, déjà ce qui saute, c'est un repère ontologique traditionnel chez nous, qui est la distinction de l'esprit et du corps. C'est une autre manière de concevoir la parole, et même en généralité, vos fantasmes, vous les projetez dans l'analyste et non pas sur l'analyste, ce qui reste un montage tout à fait. Donc il n'y a plus d'individualisme méthodologique. Et vous comprenez pourquoi Bion part du groupe. Et pourquoi il parle de la cure type comme d'un groupe à deux. Vous comprenez aussi pourquoi l'ensemble des repérages de la psychologie positiviste freudienne est considéré comme. Complètement marginalisé. Et c'est ce que je montrerai une autre fois, c'est pourquoi c'est reconstruit dans la perspective mystique. Pourquoi il y a un anti-positivisme qui fait Bion, a besoin de la pensée mystique pour justement réorganiser entièrement le rapport à l'autre, et qui aboutit à la notion d'identification projective. Oui, précisément de Castro, il parle de la différence entre l'âme et corps que les Indiens font. Et comment il... Bon, je ne me souviens pas exactement du texte, mais comment les Indiens se demandaient si les Espagnols pouvaient pourrir. Oui, mais je vais en parler tout à l'heure. Nous, on se demandait si les Indiens, avaient une âme. L'âme. En fait, c'est un texte de Lévi-Strauss que cite Viveiros de Castro, j'en ai parlé la dernière fois, et qui permet à Viveiros de Castro de montrer l'invraisemblable étrangeté de la construction du monde. Ça. Parce qu'au même moment où Bartholoméos de Las Casas se demande si les Indiens ont une âme, la question des Indiens, c'est de savoir quel est le type de corps qu'ont les Espagnols. C'est-à-dire que, bien sûr, ils sont comme nous, les Espagnols. Le village des Espagnols est comme... Mais leur corps, leur modalité d'affection, comme les jaguars, les tapirs, etc. Et donc, ils s'intéressent à leur corps pour savoir comment leur corps pourrit. Et comment, quand on le cuit, quel est là. Et s'il y a des dieux qui les mangent. C'est ça le point. Je vais revenir tout à l'heure, parce que je vais même vous en donner un exemple kleinien. C'est très kleinien, cette idée. Vous sentez déjà qu'on est avec tout ce cannibalisme-là. Pour moi, le kleinisme, c'est une pensée cannibale. Et lorsque Bion parle de la digestion, etc., c'est un mode de pensée qui fait apparaître dans notre propre culture des strates de la projectivité qui sont qui sont quelque chose que Viveiros et Castro s'imaginent nous opposer. Mais je crois que simplement chez nous, c'est hiérarchiquement subordonné, très très subordonné, mais ça n'est pas absent. De même que je ne suis pas du tout sûr que chez les Indiens, beaucoup de questions sur la distinction de l'âme et du corps, même si elles sont chez eux subordonnées, sont absentes. On dirait un peu pourquoi. Donc chez Mélanie Klein, comment se fait cette transition kleinienne vers la théorie du rêve chez Bion et chez Meltzer? Je rappelle que chez Mélanie Klein, c'est d'elle dont je tire un peu toute cette architecture, chez Mélanie Klein, ce qui est le concept explicatif fondamental, c'est les fantasmes inconscients. C'est même le problème, c'est qu'on lui dit comment expliquer des fantasmes avec des fantasmes. Bon, laissons cela. Ce qu'elle appelle des fantasmes inconscients, ce ne sont que des structures intentionnelles connatives. Ce sont des désirs intentionnels. C'est-à-dire, il y a des objets internes qui sont ce que nous désirons, qui sont ce que vise la pulsion, et ces objets internes, ils apparaissent dans le lexique kleinien systématiquement comme les compléments d'objets directs d'un certain nombre de verbes pulsionnels qui, par ailleurs, sont des verbes cannibales. Mordre, sucer, attaquer, etc. Hein? Rejeter, introjecter. Alors ça, c'est un verbe technique. Mais au sens du verbe de la pulsion, hein, c'est sucer, c'est mordre, c'est... Voilà. Hein, et les objets internes qui sont les objets visés par le fantasme qu'elle écrit PH inconscient sont les compléments d'objets de ce que j'appelle déjà des verbes cannibales. Et toute l'économie de la cure consiste à intégrer ces objets internes dans une logique d'individuation-séparation, et dont la clé est toujours très simple, c'est bon dedans, mauvais dehors. Voilà, c'est extrêmement simple. Jusqu'à ce qu'on ait pu constituer quelque chose qui soit capable de perdre le bon. Et c'est ça qu'elle appelle la position dépressive. Parce qu'on est constitué, quelque chose que Bion appellera un appareil psychique, mais c'est une constitution de l'ego ou du self, dans lequel le degré d'intégration pulsionnelle atteint est tel qu'on puisse perdre le bon. et perdant le bon, réparer, créer, vivre, etc. Hein, perdre et réparer, dans la double articulation. Par une intégration d'individuation, séparation. L'an dernier, quand j'avais parlé de M. Paramore, etc., j'ai insisté sur le fait que beaucoup de choses qu'elle construit autour du thème de la culpabilité, de l'obsessionnalité, etc., qu'il était possible de construire de plus d'une manière, que chez Mélanie Klein, un certain nombre de ces logiques d'intériorité, d'individuation, séparation, hein, qui n'avaient pas simplement celle que décrit Mélanie Klein. La conséquence pour Mélanie Klein, c'est que les rêves ne sont pas extrêmement spécifiques. Les rêves ne sont pas spécifiques parce que ce ne sont que des expressions circonstancielles en fonction des restes durs trahissant des enjeux du bon et du mauvais, hein, de ces fantasmes inconscients. C'est pourquoi, chez Mélanie Klein, il n'y a pas du tout de problème avec les rêves d'angoisse sur lesquels Freud s'arrache les cheveux, les rêves qui semblent être contraires au désir, etc. Puisque de toute façon, cette dialectique du bon et du mauvais, de l'introjection du bon et de l'éjection, plus que de la projection, de l'éjection du mauvais, fonctionne à plein avec cette logique du fantasme inconscient. Et donc, le rêve, chez Mélanie Klein, perd son statut de voie royale de l'accès à l'inconscient, parce que non seulement il y a le dessin qui est tout aussi ça, mais la vraie voie royale, c'est le transfert. Pas le contre-transfert. Hein. Chez Mélanie Klein, il y a une grande prudence. Le contre-transfert reste, ça c'est un fil rouge quand même, reste quelque chose qu'elle n'est pas post-Kleinienne, elle n'est pas du tout dans cet esprit d'intersubjectivisme, etc. Hein. Mais c'est le transfert, c'est-à-dire la façon dont l'analyste peut être représenté à l'intérieur du transfert comme le lieu dans lequel se manifestent les objets partiels. Le cabinet de l'analyste, le corps de l'analyste, etc. Ce que Bion pratique comme opération sur cette approche kleinienne, c'est très simple, il l'inverse. C'est que, après tout, puisque le rêve n'est absolument rien d'autre qu'une manifestation circonstancielle de l'activité des fantasmes inconscients, etc. En réalité, les fantasmes inconscients peuvent être tous intégralement pensés en termes de rêve. La réciproque, il construit une réciproque. Plus exactement, si l'opération fondamentale, c'est celle du filtrage à travers une sorte d'écran ou de frontière entre ce qui est bon et ce qui va à l'intérieur, et ce qui est mauvais et ce qui est éjecté. Et si ce qui est bon à l'intérieur a la propriété de construire quelque chose qui permet de perdre le bon et de le réparer, c'est passé d'un côté de la frontière, eh bien nous n'avons qu'à dire tout simplement que le rêve, c'est la manière la plus générale de parler de l'écran alpha, hein, du processus d'alphabétisation et de la constitution du bon côté, une fois les particules bêta filtrées et rejetées, de constituer un appareil psychique qui est ce dispositif intégratif qui est fait de pensées de rêve qui ne peuvent être obtenues que par le filtrage de cette peau, hein, de cet écran, dit Bion, et qui se constitue comme l'appareil psychique pouvant penser les pensées. Et c'est toujours, vous voyez, hein, le bon dedans, mauvais dehors. Hein, quelque chose qui a une texture où le c'est pas vrai faux, mais c'est bon mauvais. On est fondamentalement dans cette intentionnalité désirante où c'est le désir qui constitue le caractère désirable de l'objet. Il n'y a pas du bon en soi ou du mauvais en soi. C'est ça qui est difficile à penser, qui retourne nos intuitions qui sont habituées à penser l'intentionnalité en termes de vrai et faux. Et c'est ça qui... Alors ça prend chez Melzer qui est un élève de Bion, mais qui trouve que souvent que Bion est allé trop loin et qu'il faut en revenir à Freud et Mélanie Klein, sinon on va dire des choses complètement folles, on va devenir mystique, etc. Il y a une sorte de refus chez Melzer du chamboulement radical sur l'appareil psychique du psychanalyste qu'implique la démarche de Biot. Il y a plusieurs textes de Melzer très clairs où il dit « c'est insupportable ». Même lire ça, ça fait mal au psychisme de faire tourner ses rouages dans ce sens-là. Melzer va, je crois, aussi loin qu'un Kleinien peut aller en direction de Bion, en faisant observer que du coup, la vie éveillée, c'est exclusivement le contenu manifeste d'un rêve dont le contenu latent, ce sont les fantasmes inconscients. Donc il n'y a plus ouvrir les yeux, fermer les yeux, la nuit, le jour, etc. La vie éveillée ne peut se comprendre que comme le contenu manifeste de quelque chose dont le psychanalyste cherche le contenu latent. Voilà. Mais c'est assez curieusement tout de même une manière d'aller aussi loin qu'on peut aller dans la direction de tout est rêve, hein, voyez, mais en restant extrêmement freudien et extrêmement kleinien. Sans ce pas dans lequel on va passer à une complète reconsidération du processus primaire, secondaire, du processus d'alphabétisation, etc. D'après ce qu'on sait de sa pratique, il était complètement kleinien. C'est très difficile. C'était difficile, paraît-il, pour ses patients. Il y a plusieurs témoignages. Dans le bouquin de Grotstein qu'on est en train de traduire, il y a un de ses patients qui en parle, et qui d'ailleurs fait aussi cette remarque géniale. Il dit, bon, il critique tout le temps Mélanie Klein, mais alors moi j'ai été analysé par des Kleiniens orthodoxes et par Bion, je ne peux pas vous dire la différence. C'était vraiment, vous ouvriez la bouche, pof, c'est parti, vous interprétez en se mettant dans le jeu. C'est les analyses bavardes, c'est la plaisanterie. Monte la sang. Vous connaissez cette plaisanterie, bien sûr, qui monte dans l'ascenseur, n'est-ce pas? Et chez Mélanie Klein, 8h-5, j'ai raté les premières interprétations. L'activité politique, elle est dans son sens-là. Ce sont des pensées cannibales. Ça que je veux apporter pour que vous alliez regarder dans Viveros et Castro et qu'on s'appuie sur de l'anthropologie pour essayer de faire un peu basculer les bases imaginaires enracinées dans notre moi de ce que nous faisons quand nous sommes dans le fauteuil ou sur le divan. C'est ça mon objectif, hein. C'est d'aller chercher un point de vue où, au fond, on s'aperçoit qu'en changeant radicalement ce point de vue, vous conservez l'idée, notamment l'idée d'articulation signifiante du désir et de la pulsion, elle est inchangée. Et c'est ce que je disais la dernière fois de la paranoïa, j'insiste là-dessus, la paranoïa psychiatrique. Évidemment, on peut toujours considérer que le paranoïaque est un pauvre gars qui a régressé, là, comme ça, qui a un dysfonctionnement, alors qu'il est obligé de s'appuyer sur des mécanismes archaïques. Et puis on sait bien ce que veut dire archaïque dans le vocabulaire des Occidentaux, n'est-ce pas? C'est un truc qui est bon pour les femmes, les nègres, les communistes, enfin bon, toute la vie du monde, n'est-ce pas? Mais en réalité, non, il y a des sociétés entières qui pourraient fonctionner sur le mode de la persécution, comme ça. Et ce que j'essayais de l'an dernier de vous montrer sur les Lébous, les Serrères, les gens qui pensent que chaque fois qu'un mal arrive, il y a quelqu'un derrière, hein, qui vit dans ce monde-là, pour qui la paranoïa, c'est le mode de réaction ordinaire, attendu. C'est pas la culpabilité, hein. Si mon gamin a raté son examen, je commence à regarder un peu autour ce qui s'est passé. C'est pas des fous, c'est normatif. Je pense que là, vous avez aussi des manières d'accéder au fait que la potentialité paranoïaque, elle est présente chez nous, non pas parce qu'elle serait régressive ou un désordre. C'est parce qu'il y a des strates de notre constitution en tant qu'être humain qui s'appuient sur ces zones de projectivité. Ce qui fait le paranoïaque moderne, c'est que de l'époque moderne, individualiste, c'est que lui, il sait. C'est-à-dire qu'il se place dans une perspective cognitive. Ce qui n'est pas le cas des Indiens. Et donc, dans ce monde bionien et kleinien, quand je dis que c'est une pensée cannibale, nous retrouvons un certain nombre d'éléments de Viveros et Castro. C'est là où j'avais prévu de revenir sur cette observation savoureuse que cite Viveros et Castro, et je le cite même, je crois, dans le dernier chapitre de sa thèse, selon lequel la question des Espagnols, c'est les Indiens, dont on ne comprend pas la langue, etc., mais enfin qui ont manifestement les mêmes corps que nous, hein. Ça c'est hors d'eux, hein. Les mêmes corps que nous, ont une âme. Et Viveiros de Castro développait l'idée que la question occidentale, c'est la question de l'impénétrabilité du psychisme d'autrui. Comment la perspective qu'a autrui sur le monde nous est impénétrable. Pour ça que j'ai souvent, dans ce séminaire, fait appel à Wittgenstein, parce que Wittgenstein, comme analyste de la modernité, c'est celui qui met au cœur de tous les enjeux de la modernité l'expérience privée. Je vois ça comme étant du noir. Mais si ça se trouve, dans ma tête, tout le cercle des couleurs est inverti. C'est-à-dire que ce que j'appelle noir, en fait, correspond dans ma tête à du blanc. Et ce que j'appelle blanc correspond à du noir. Les couleurs chaudes aux couleurs froides, etc. Le spectre des couleurs est inverti. Mais comme je parle avec vous, les signes extérieurs, je passe au feu rouge, je passe... En fait, si vous étiez dans ma tête, quand le feu rouge se met au rouge, vous verriez du vert. Et quand le feu vert se met au rouge, vous verrez. Les couleurs seraient inversées. Mais tout est superficiellement, dans la théorie de l'expérience privée, tout est superficiellement conservé à l'identique. Mais on aimerait savoir si ce qui dans la tête de l'autre, ce qui vit, ce qui sent, comment il voit les couleurs, c'est la même chose que nous. Ce questionnement-là, et les manières de le dissoudre, les manières de rendre au langage quelque chose qui détruit ce mythe de l'intériorité, comme disait, d'une intériorité inscrutable, c'est tout le travail de Wittgenstein qui se situe comme ce qui est un remède de la maladie même de l'anthropologie de l'individu moderne, hein, qui le fait se sentir isolé sous sa peau. C'est à ça que j'ai rattaché dans mon bouquin sur la fin des coupables, à la démarche d'Elias, n'est-ce pas ? Comment avons-nous réussi à faire de nos corps des choses qui nous séparent ? C'est quand même, il en faut un travail de la culture pour que nos corps nous séparent, pour que lorsque nous touchons quelqu'un, nous puissions nous poser la question de savoir s'il sent ce que nous sentons. Avec toutes les conséquences immense que ça a sur l'érotisme, sur ce que vous voulez. Ça, ce façonnage-là, Wittgenstein le pose très bien. Le solipsisme est au cœur de la question occidentale. C'est pas du tout la question de la modernité occidentale. À l'autre bout du monde, pendant qu'on faisait ça, Viveiros et Lévi-Strauss rapportent que les Indiens attrapaient des Espagnols et les foutaient dans l'eau pour voir s'ils pourrissaient. Et comment il pourrissait, si ça faisait quelle odeur, etc., si ça faisait des cloques, je parle, c'est des trucs absolument très gore, hein, manifestement. Mais pourquoi? Parce que pour eux, les jaguars, les tapirs, les espagnols, etc., tout ça, tout ce qui est le traitement de l'autre, ils ont un village, des chamans, etc. Le problème, c'est de savoir comment leur corps, leur modalité, leur devenir espagnol, comme le devenir jaguar ou le devenir tapir, s'affecte dans des corps. Le corps est un principe différentiel. C'est ça qui est quelque chose de tout à fait étonnant, c'est perplexifiant. L'âme est commune, puisque les hommes sont les ancêtres des animaux et des êtres vivants, mais le corps a des propriétés distinguantes. Eh bien, il me semble que... pourquoi je dis que Viveiros et Castro nous éclairent sur le point de vue qu'on peut prendre? Parce que chez Freud, il y a bien évidemment une logique de l'impénétrabilité psychique d'autrui. Autrui se trahit. Il se révèle jamais. Autrui n'est jamais directement lisible, sauf folie ou sensation paranoïaque, n'est-ce pas, que je suis lu en continu, qui provoque chez nous un mouvement d'effroi, hein, quand quelqu'un vous dit que en fait tout le monde lit dans ses pensées en continu, c'est saisissant, hein, schizophrène, hein, qui fait un grand syndrome d'influence. Nous fonctionnons de manière normative, et Freud aussi, sur la logique de l'impénétrabilité psychique a priori. L'inconscient se trahit. Alors que les corps ne posent pas de problème. Les corps, c'est des corps standardisés de la médecine objective. Là où le problème commence à se poser, c'est avec l'hystérie, chez Freud. C'est que quand vous avez quelque chose qui dans le corps est affecté d'une manière particulière, comme c'est le corps objectif de la médecine, comme c'est le corps universel de l'espèce humaine, il ne peut être que le théâtre d'un investissement psychique. Ça ne peut pas être un autre mode de fonctionnement du corps. C'est une manifestation du psychique dans le corps. C'est pour ça que le point de départ, c'est l'hystérie. Et ce psychique-là, c'est un psychique impénétrable, à déchiffrer, etc. Vous voyez là, le type de constellation anthropologique dans laquelle il se déplace, qui est extrêmement clair. Et pour ça, il faut bien établir que l'hystérique n'a rien de neurologique. Que c'est bien du subjectif pur qui se manifeste dans son... C'est ça le point de départ. Tandis que chez Mélanie Klein et chez Bion, alors surtout chez Bion avec la notion d'identification projective, ou chez Mélanie Klein avec, alors chez Bion avec l'identification projective, mais déjà chez Mélanie Klein avec une certaine conception du transfert et de la projection, où on projette dans l'autre et non pas sur l'autre, rien n'est plus partageable que le psychisme. Le psychisme, c'est ce qui se partage par définition. Et que, tout simplement, parce que la nature du psychisme a quelque chose d'amazonien, si je veux dire, il est à l'autre. Il est directement à l'autre. Et c'est pourquoi prendre les patients sur un mode paranoïaque est parfaitement logique et cohérent. Et n'est pas vécu au départ dans cette constellation intellectuelle particulière de la psychanalyse kleinienne comme un truc si extraordinaire ou un tour technique, mais simplement comme tirer les conclusions de ce que c'est que la projectivité, hein, et du point de projectivité auquel on cherche à atteindre. C'est ce qui vous explique pourquoi c'est le groupe qui est en jeu au départ chez Mélanie. Mais du coup, les corps. Et ça, c'est un aspect qui est rarement souligné dans le kleinisme, et d'ailleurs chez Lyon. Le problème, c'est que les corps, comme chez Viveros de Castro, et comme chez les Indiens dont il parle plus exactement, ont des manières singulières d'être affectés. C'est-à-dire que le transfert n'est pas quelque chose qui a à être deviné sur un mode légèrement parano, hein, comme dans chez l'analyste freudien traditionnel, qui devine français, le transfert il est structurel, massif, etc. C'est-à-dire, c'est comme l'exemple, je disais, là, l'analyste, le patient ouvre la porte, il voit la scène primitive, quand il entre dans le cabinet. C'est ça, les Kleiniens, ils y vont tellement loin dans cette cycle, le transfert, c'est invraisemblable, quoi, tellement bon. En revanche, là où les choses se spécifient, c'est que les corps et le rapport des Kleiniens aux symptômes somatiques n'a rien à voir avec la déviation que le psychisme inflige à un corps normal. C'est une modalité particulière de l'affect, d'être affecté qui est singulière chez chaque individu. Et ça, je crois que c'est très très important. On va traduire, j'espère, dans les deux ans qui viennent, le grand livre de Bolas sur l'hystérie, qui est évidemment, ça pose un problème dans le cadre d'une pensée de ce genre, de travailler sur l'hystérie et de la récupérer sur un mode qui soit cohérent intellectuellement, parce que ils en parlent très très peu, hein, de l'hystérie. Quand Mélanie Klein parle de l'hystérie, c'est à la fin de sa vie, et pour parler essentiellement de la division du moi. C'est au moment vraiment de l'ultime mouvement après 45 qu'elle va réintroduire l'idée de schizophrénie, d'hystérie, mais en s'intéressant au dédoublement de la personnalité et pas tellement symptômes somatiques. Ces manières singulières d'être affectées, elles me semblent être extrêmement importantes pour offrir un cadre clinique où accueillir ce qu'on appellerait sinon trop facilement des symptômes psychosomatiques, qui ne sont pas des symptômes hystériques, etc. Ils offrent aussi une perspective qui, je crois, est très importante pour penser que parmi les phénomènes de création et de réparation dans une cure, il y a des phénomènes de création et de réparation qui portent sur des sensations corporelles, les vécus corporels, la kinesthésie, des choses de cet ordre-là, et où le travail même de la sensorialité et la façon dont ça singularise, spécifie un individu, n'est pas pensé simplement du point de vue du symptôme psychosomatique, du signifiant perdu dans le corps, ou de l'activité psychique subjective qui vient se perturber un fonctionnement objectif, comme dans l'hystérie freudienne. Il y a là une toute autre organisation des choses. Simplement, aussi bien chez Lacan que chez Mélanie Klein, pour ces raisons mêmes, le rêve perd son statut central. C'est-à-dire que l'association libre donne le sujet à déchiffrer, et ce qui est déchiffré chez un lacanien, ce qui est à déchiffrer, c'est la façon dont un sujet chiffre son propos. C'est pas le sens, c'est le chiffrage qui est à déchiffrer. C'est ça qu'on se propose. Quelles sont les opérations par lesquelles il en passe dans ce travail. Et du coup, le rêve met à fois à déchiffrer comme le symptôme, comme tout. Le rêve n'est qu'un lieu particulier d'application d'une technique de déchiffrement du chiffrage, pas du sens, mais du déchiffrement du chiffrage auquel se livre un sujet. C'est absolument manifeste dans L'inconscient et son scribe de Safouan, qui me paraît être vraiment le livre le plus clairement. Alors, j'ai pas encore lu la somme qui vient de publier, là, Safouan, mais d'après ce que en feuilletant, ça paraît extrêmement clair que pour lui, vraiment, le travail du chiffrage et du déchiffrement, c'est la clé de voûte de ce qui était son rapport à la psychanalyse. Hein. Mais du coup, le rêve, et donc ce qu'il y a de constitution du psychique, la spécificité de la fabrication de l'imagerie onirique, des choses de genre, qu'on fasse un rêve plutôt qu'un symptôme, par exemple, ou plutôt qu'une phobie, ces choses-là ne sont pas prises en compte. Puis chez Mélanie Klein, c'est qu'au fond, le rêve n'est qu'une manifestation contingente, particulière, du jeu des objets partiels et de leur intégration, du passage de la phase schizoparanoïde à la phase dépressive. Et donc le rêve est sans privilège aussi particulier. Et alors il l'est encore moins lorsqu'avec Melzer, on cherche le contenu latin. Alors je conclue sur... Je crois qu'on pourrait... Si le renversement que je vous propose est un renversement qui tient la route, si vous acceptez comme ça de repérer en passant par... C'est sûr que c'est une perspective un peu violente du point de vue anthropologique, d'où la psychanalyse est habituellement construite. Mais je crois que c'est peut-être pas plus mal, surtout ceux d'entre vous qui ont affaire à des gens qui viennent pas de notre culture, sans faire d'ethnopsychanalyste sauvage ou de voilà qui bon d'essayer au fond d'arrêter de considérer que dans la tête des gens, des autres individus, il se passe des choses qui doivent être en gros comparables à ce qui se passe dans la nôtre. Je crois que la suspension du rapport imaginaire à autrui, de moi à moi, etc., doit être mené jusqu'à son ultime degré de généralité. Et c'est pas du tout nier la force du travail de Freud que d'opérer ce type de renversement ou de pivotement, défendant que sur les mêmes bases, au fond, et avec beaucoup de choses qui restent invariantes, le rêve peut être pris comme la révélation d'un monde autre dans un univers projectif. Ce décentrement, je ne le fais pas du tout pour renverser la psychanalyse traditionnelle. Au contraire, c'est à la recherche, même si j'ai pas les moyens de beaucoup élaborer là-dessus, enfin, c'est ce que je fais petit bout par petit bout, ce décentrement, c'est à la recherche d'une invariance. C'est une méthode, je crois, scientifique traditionnelle, de faire varier pour voir ce qui reste. Si on passe de l'autre côté de la perspective, ce qui me frappe énormément, c'est que ce que j'avais toujours compris, par exemple dans les mythologies de Lévi-Strauss, comme étant finalement un système de transformation signifiante qui ressemble extraordinairement à ce que Lacan décrit dans le mythe individuel du névrosé, par exemple, il utilise même la catégorie de mythe individuel du névrosé, ça veut dire que le mythe collectif et le mythe individuel ont des modalités d'articulation extrêmement différentes. Ça ne fabrique pas un monde. Ça ne fabrique pas un monde, ça ne fabrique pas des métaphores, des équilibres. C'est pas ontologique, ça peut être utilisé dans une cosmologie totalement différente, comme celle de Tupi-Guarani, et complètement contre-intuitive. Mais en maintenant, ce qui tient ensemble ces multiples natures, ce qui tient ensemble ce perspectivisme, ce sont des transformations signifiantes. C'est ça qui est saisissant. Elles n'ont pas du tout abandonné ou jeté aux orties comme une théorie fausse, comme une théorie post-structuraliste. Pas du tout. Et quand vous lisez bien Viveiros et Castro, ce qui le sidère à chaque fois, c'est qu'il est constamment obligé de se servir des mythologiques et de retrouver Lévi-Strauss. Sauf que Lévi-Strauss n'a pas vu à quel point les types de cultures Tupi-Guarani se distinguaient des cultures gays en produisant des éthos, des manières d'être au monde aussi fondamentalement différentes. Et c'est aussi lié à la tradition de l'ethnologie française, à l'idée que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les institutions, le totémisme, etc. Et qu'il n'y a rien de tout ça chez les Tupi-Guarani. Mais c'est ce qui fait la force, vous voyez, de Viveiros et Castro, c'est avec le cannibalisme, qui est ce par quoi finalement l'autre est entré dans le monde des Occidentaux. Vous lisez Montaigne dans les essais des cannibales. Où on a même un texte Tupinampa qui se fait traduire. Montaigne a tout de suite vu là, que l'homme c'était fini. Là, il y a des autres. Il y a des autres. C'est même vertigineux ce texte de Montaigne. Eh bien, tout n'y passe pas, tout n'est pas détruit. Jaguar sang, homme bière de manioc, ce sont des rapports qui sont. Et puis, le but que je poursuis, je vous fais cette présentation parce que j'ai été extrêmement frappé de la réaction, d'abord, des apparences d'irrationalité, d'une part, et puis sur le plan affectif, d'un mouvement qui varie entre la stupeur et l'horreur, à la lecture qu'un certain nombre de mes amis ont fait du cas Paramore. C'est-à-dire l'idée, en particulier, que dans le cas Paramore, j'essaie de montrer qu'un rêve de l'analyste s'articule au rêve de son patient. Une chose de ce genre, dans une culture freudo-lacanienne qui repose sur la critique du contre-transfert, par exemple, est impensable. Et en même temps, ça provoque vraiment une réaction qui peut être assez hostile, le type Ce que je voulais montrer, c'est qu'en réalité, on le sait tous par le contrôle, ou par nos analyses, ou par notre travail, rien n'est plus commun que la question de rêver de quelque chose, d'une analyse ou d'un patient, et de se demander ce qu'on va en faire. Bon. Rien n'est plus commun. Or, il n'y a pas ce qu'il faut faire, c'est de construire, d'expliciter les conditions, ce ne serait pas nécessairement un truc où il faudrait que vous retourniez sur un divan. C'est possible d'ailleurs qu'il faut retourner sur un divan quand on rêve d'un patient. Il y a des cas, ça c'est fait aucun doute. Mais pas toujours. Et en tout cas, quels sont les critères? Qu'est-ce qu'on peut effectivement penser de l'utilisabilité, de la fonction, si j'en rêve, est-ce que j'ai accès à une vérité particulière dans une perspective, je dirais, freudienne traditionnelle? Pas du tout. Vous êtes dans l'égarement du sentiment contre-transférentiel et vous n'êtes pas assez analysé. Dans la perspective intersubjectiviste plus ou moins radicale, on cherche pratiquement à déclencher ce type de phénomène. On en fait une sorte de preuve, n'est-ce pas? Alors, plus vous foutez vos tripes dans la vignette clinique en allant raconter à quel point non seulement vous en avez rêvé, mais vous en avez parlé à votre femme, qui en a rêvé, qui en a parlé à son analyste, etc. C'est plus où on est, là, c'est plus où on met les pieds. Alors à ce moment-là, là c'est génial, c'est les publications, les grandes publications, tout ce qu'on veut. Au fond, on manque de critères. Et ce que je pense qu'il faut réussir à produire, c'est des critères qui tempèrent l'apparence d'irrationalité sans exclure qu'il existe bien quelque chose comme le contre-transfert. Et le contre-transfert comme obstacle du côté de l'analyste à la cure, c'est pas... voilà. Mais sauf que les gens sont toujours d'accord pour le dire. Mais, et quel est le prix épistémologique qu'il faut payer pour que quelque chose comme la projection dans l'autre et non pas sur l'autre prenne son sens? C'est pas en ajoutant un mécanisme de plus, hein. C'est que si vous ajoutez ce mécanisme de plus, ce qui m'est importé de vous montrer en parlant de Viveuse et Castro et tout ça, c'est toute une autre manière de penser, hein. C'est la mise en cause de la distinction du corps, de l'esprit, des individus, du statut du groupe, du statut de du langage, de la parole, de la grammaire, des intentionnalités, du devenir, de l'être. Enfin, toute la pelote s'en va, et il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas gratuit. Et ça n'est pas lié, alors c'est surtout ça que je voulais dire, bien sûr, c'est pas irrationnel, c'est coûteux, et ça n'a rien à voir avec l'approfondissement de l'analyse. Vous pouvez analyser, vous pouvez approfondir tant que vous voulez votre analyse pendant des années, et sur tous les divans, le type de changement, de pivot dans ces sociétés, un pivot épistémologique et anthropologique. Ça suppose une conversion, et pas un approfondissement. C'est pas en descendant à l'intérieur de soi des strates toujours plus profondes. C'est une autre construction du cadre. Et c'est en permutant ces constructions du cadre qu'on peut faire apparaître ce qui tient. Voilà. Et dans le cas Paramore, parce qu'il m'a beaucoup frappé dans les réactions, c'est que, alors, il y a peu de gens qui disent des choses dessus, mais que les réactions que j'ai vues, c'est des réactions qui sont extrêmement étonnées. Le fait qu'on puisse apparemment faire des choses comme ça, parce que le cadre à l'intérieur duquel c'est construit est un cadre qui est perturbant pour la perception très individualiste de l'expérience de l'analyse d'un côté. C'est là où on voit à quel point on est freudien et pris dans des coordonnées du rêve qui sont des coordonnées freudiennes. Bon, voilà l'objectif de la chose. Bon, je répète, mais j'avais l'impression d'être plus... On comprend mieux comme ça, hein, la trajectoire et l'enjeu. Bon. La prochaine fois, c'est en février, c'est ça? Et en février, je crois que c'est pas moi qui cause. Il y a quelqu'un qui vient causer, mais j'ai oublié qui. C'est pas Isabelle Robert? Hein, ou alors c'est Gilles Deleuze, je sais pas. Enfin, en tout cas, si c'est moi, je prépare quelque chose et ce sera donc le troisième jeudi de février.